Chapitre 4. De son amour pour Dieu et de sa dévotion envers la très sainte Vierge, de son zèle pour le salut des âmes et de sa charité dans l'assistance temporelle du prochain. Dans le fait, on ne peut douter que Germaine ait tiré de Dieu seul la force d'âme qui lui était nécessaire pour endurer et surmonter pendant un si long espace de temps de si cruelles épreuves. Elle aimait la solitude dans laquelle elle vivait constamment comme un moyen de s'unir plus étroitement à Dieu d'esprit et de cœur. Aussi, par ce motif, évitant la conversation des hommes, elle conduisait ses brebis dans des lieux écartés et solitaires. Et là, loin du bruit et de toute distraction extérieure, elle passait son temps soit à prier vocalement, soit à méditer sur les choses célestes et les grandeurs de son divin époux. On dit qu'elle fut vue bien souvent agenouillée sous un arbre, au pied d'une croix qu'elle avait faite elle-même avec deux morceaux de bois, tout absorbée dans une très haute contemplation. Alors Dieu, qui aime à s'entretenir avec les âmes pures et simples, se communiquait intimement à elle et lui faisait goûter des délices tels qu'il nous est impossible de les comprendre, bien loin de pouvoir les raconter. Il est vrai que pour s'unir à Dieu, elle n'avait pas besoin de recueillir ses pensées en elle-même, en les rappelant de la préoccupation des objets extérieurs. Elle trouvait partout son bien-aimé. La seule vue des plantes, des fleurs, de l'eau, du ciel, suffisait pour que son esprit et son cœur fussent aussitôt ravis et perdus dans la contemplation et l'amour du souverain bien. Et, soit qu'elle cheminât derrière son troupeau dans les bois, soit que, assise à l'ombre d'un arbre, elle filât sa quenouille, toutes ses pensées et ses affections étaient habituellement dirigées et fixées en Dieu. D'où l'on peut conclure qu'elle a atteint ce degré que l'on peut bien regarder comme la dernière limite où l'âme, encore enchaînée par les liens du corps, puisse arriver, c'est-à-dire avoir toujours Dieu présent à la pensée et l'aimer sans partage d'un amour très intense. Pour augmenter en elle cette ardeur de charité, elle s'approchait tous les dimanches et fêtes des très saints sacrements et assistait chaque jour au très saint sacrifice de la messe. Elle sortait de grand matin pour les soins de son troupeau. Mais sitôt qu'elle entendait, soit dans sa paroisse de Pibrac, soit dans les églises alentour sonner la messe, laissant son troupeau paître dans les champs, elle se mettait en marche pour aller l'entendre. Elle n'omit jamais cette pieuse pratique de chaque jour, alors même que le temps étant pluvieux, les chemins fussent rompus et mauvais. La meilleure preuve de son amour pour Dieu, c'est qu'elle eut souverainement à cœur de ne pas lui déplaire, même en matière légère. En ce point, il y a accord parfait de tous les témoignages dans les procédures. La meilleure preuve, dit l'un d'eux, de l'amour que la bienheureuse Germaine avait pour Dieu et sa fidélité à éviter tout péché. Et nous savons par la tradition qu'elle conserva jusqu'à sa mort son innocence baptismale. Et, ajoute un autre, son amour pour Dieu parut en ce qu'elle évita tout péché et même les plus petites fautes et dans une pureté de conscience si grande que, comme on le tient d'une tradition constante, elle conserva jusqu'à la mort l'innocence baptismale. À l'amour qu'elle portait au divin maître, Germaine joignit une tendre dévotion envers la Vierge, sa mère. Une des prières qu'elle avait l'habitude de faire en son honneur avec le plus de goût et de dévotion était le Saint-Rosaire, qu'elle récitait tous les jours à genoux, en méditant les sublimes mystères dont on y fait mémoire. Quand le matin, vers le milieu du jour et sur le soir, elle entendait le son de la cloche qui donnait le signal de l'Angélus. La bienheureuse enfant, en quelque lieu qu'elle fût, soit au milieu de la boue, soit même dans l'eau, se mettait aussitôt à genoux pour saluer et vénérer Marie, sa tendre mère. Elle célébrait ces fêtes avec une affection toute particulière, s'y préparant plusieurs jours d'avance par divers actes de vertu pour se concilier toujours de plus en plus la protection de Marie. Nous ne savons pas en détail combien de faveurs signalées, elle reçut en retour, mais il est certain que la reine du ciel ne se sera pas laissée vaincre en générosité à l'égard de sa fidèle et dévote servante. Ce fut sans doute à cette puissante protection que Germaine dut cette vie pure et cette intégrité virginale qu'elle conserva jusqu'à sa mort, malgré toutes les embûches et tous les pièges que tendit sous ses pas l'ennemi du salut. À mesure qu'elle croissait en amour pour Dieu, elle sentait croître toujours davantage sa charité envers le prochain. Ces deux amours, comme le dit saint Grégoire, ont deux parties qui ne font cependant qu'un seul tout. Ce sont deux anneaux, mais réunis et constituant une seule chaîne. Ce sont deux actes différents, mais émanant d'une seule vertu. deux œuvres, mais une seule charité, deux mérites auprès de Dieu, mais qu'il est impossible de séparer l'un de l'autre. Une pauvre petite bergère telle qu'était Germaine, chassée ou à peu près chassée de la maison paternelle, presque privée de ce qui était nécessaire pour soutenir son existence, mal pourvue de vêtements, obligée de passer sa vie dans les bois et sur les sommets des montagnes, ne pouvait pas donner cours à sa charité en visitant les prisons et les hôpitaux, en servant les infirmes, en pourvoyant abondamment à toute espèce de nécessiteux, en revêtant ceux qui sont nus, en donnant à manger à ceux qui ont faim. Mais elle trouva bien moyen de venir en aide au prochain, conformément à ce que lui permettait son état et sa condition. Elle alla, même en ce point, bien au-delà de ses forces et de ses moyens. Ce morceau de pain qui lui était donné pour sa ration du jour et qui n'était pas suffisant même pour l'empêcher de souffrir la faim, elle avait l'habitude de le partager et de le distribuer aux pauvres. Et ce qui mit le comble à sa grande charité, c'est que ce généreux sacrifice et cette rigoureuse privation, elle se l'imposait chaque jour. Elle sentait son cœur se serrer de pitié à la vue de ceux qui souffraient. Et, sans aucune préoccupation de ses propres besoins, elle s'appliquait de tout son pouvoir à subvenir à ceux du prochain. Ainsi, plutôt que de voir souffrir les autres, elle s'assujettissait à souffrir elle-même le tourment de la faim. Que si, selon la maxime de Jésus-Christ, il y a une grande récompense promise à la pauvre femme qui, comme nous le lisons dans l'Évangile, mit dans le tronc du temple un seul petit denier, combien plus grande et plus héroïque, et plus digne encore d'éloges et des récompenses, doit nous paraître la charité de notre bienheureuse, qui ne donna pas de l'or, de l'argent, mais qui donna par amour pour son Dieu ce morceau de pain même, qui était toute sa ressource pour se soutenir, et qui par cela s'exposait encore, comme nous le verrons, aux injures et aux mauvais traitements de sa belle-mère. Non contente de venir en aide au prochain dans ses besoins matériels, elle mettait tout en œuvre pour aider le prochain dans les besoins spirituels de son âme. Et premièrement, par l'exemple de ses héroïques vertus, même en ne disant rien, elle prêchait aux habitants du pays la dévotion et la piété. Puis, autant que cela dépendait d'elle, elle ne manquait pas, toutes les fois qu'elle en trouvait l'occasion, de donner un bon avis à ceux dont la conduite était peu régulière, de ranimer et d'enflammer la ferveur des bons par de saints entretiens. Par-dessus tout, elle exhortait les jeunes personnes de son âge à ne pas se laisser prendre aux vanités et aux folies du monde, et à s'exercer sérieusement à la pratique des vertus chrétiennes. On se souvient encore qu'elle réunissait autour d'elle dans les champs des petits garçons et des petites filles qui gardaient comme elle leurs troupeaux et leur enseignait avec une admirable patience les principes de la doctrine chrétienne, les actes des vertus théologales et toutes les autres choses nécessaires à savoir pour le salut. Elle ne se relâcha jamais d'un seul point en cette noble tâche, bien qu'au milieu de remerciements elle reçût parfois des sarcasmes et des outrages. Elle avait trop à cœur le bien des âmes pour se préoccuper des jugements qu'on pouvait porter sur elle. En résumé, la bienheureuse Germaine fit, par amour pour son prochain, tout ce que dans sa position, sa condition et son âge, il lui était possible de faire. Et, par conséquent, peut-être qu'elle égala en mérite ceux qui ont produit davantage, parce que Dieu ne regarde pas à l'importance de l'œuvre en elle-même, mais à l'intention et à la disposition intérieure avec laquelle on l'a fait.